Me disait une fois que le syndic est décidé de faire la grève des trois d'esprit. Ah, rien à craindre, là. Je suis sain de corps et d'esprit. Non, parce que cette semaine, c'est le crack, si je dis. Un rapport à quoi? Rapport à cette grève du lait. La fête, oui. Ouais. Alors, mais je rien su, mais ce qu'il n'y avait point dans la commune. J'avais bel et bien le crack. Il m'a dit, c'était le moment qui s'y vienne. Moi, il y a longtemps que je l'ai fait. J'en ai pas bu de goutte depuis ma communion. Comme ça, là. Tu ne le supportes pas? Que non, non, lui, c'est par vertu. Ouais, il m'expliquait. Il a été écrit, rendu à César ce qui appartient à César. Je trouve, moi, qu'il faudrait ne pas mettre ses actions en rapport avec les paroles. Le lait, on le vole au veau. C'est mal fait pour ses bêtes. Ça me faisait de la peine chaque fois que j'en buvais. Il n'a pas tort. Ouais, et il a tenu. Pareil. Ah ben, respect. Et la municipalité, c'est conséquent que je dirais une vache d'honneur pour sa fête. Ouais, du reste, moi, je me méfie quand même. Le crat, il a toujours eu été un rableur. Il ne boit pas de l'air public, pas. En tout cas, je ne l'ai jamais vu. Moi non plus, non ma foi. Mais qu'il n'aille pas de temps en temps boire un cassette à la cuisine, que sa femme ne le voit pas, à moi la peur. Oh, et puis sûrement que pendant qu'il serait, il se laisse les doigts, comme tout le monde. Ah, ma fille, ça n'empêche que moi j'en ai inconnu un qui a bel et bien fait la grève des trois défis et qui a tenu mort des queues. Il en a pas bien quelques heures, même. Ah, mais je vous cause pas d'intempérance. On y disait Bourbonne. Alors, est-ce que c'est vrai? Ça se passait dans le nord du Carton. On n'a plus pas qu'à propos des élections, il y en avait une mancinière. Oui, ils étaient moitié agrariens, moitié radicaux. C'était une année où le raisin n'avait pas bien mûri, ça avait donné un vin qui durait, et puis ça s'était porté sur les caractères. Le village était le plus gros citoyen. Les hommes ne se causaient pas. Oh, ça n'est pas raisonnable. Ah, va chercher de la raison. J'ai des gens qui ont des aigreurs d'estomac depuis 6 heures le matin. D'autant moins raisonnable que c'est. Il n'y avait qu'un seul café dans la commune. Vous vous imaginez le drame. Ouais, ça devait être affreux. Le pain-ci, c'est un dur métier dans ces cas-là. Il disait que oui, que peut-être, enfin. Bref, il prêchait la tolérance. Et c'est une belle âme. Tout juste comme dit le régent. Seulement, comme nous l'homme n'est pas fait, le soir avant les votes, le tabour ne joliment pas le café, il avait tranquille, il tranquille là, la tolérance s'était trouvée, disait. Alors que les ennemis, raide comme un petit lit, que leur faisait une profession de foi, que tu aurais 10 millions de têtes. J'avais bien sa femme dans le coin du café qui essayait de le retenir, mais allez faire taire un soulant. Eh, autant vouloir vider le lac avec un bidon d'un litre et demi. Pire, un grand je suis, un grand reste, tous les autres, c'est de la boccia. Oh. Justement, le bonbon que je vous en causais, il était radical. Ça fait qu'il se lève et il fait. Je ne te ferai pas une minute depuis la fois où je suis obligé à accepter mon argent. Tu m'as empêché. Je te jure, sans laver le banc pendant une année, 12 mois, 365 jours, je ne mets plus les pieds dans ton café. Rien dit qu'il fait l'eau. Et si tu oublies ta promesse, je te la rappellerai de telle façon que les fesses se brûleront au pire que t'as fait tes gamins. Oh, oh, oh, oh, quand les hommes se battent pour les idées, ils viennent pire que les chiens. Le bonbon a tenu parole, il a tenu. Mais que c'est délicat des choses comme ça. Il avait planché le lendemain matin, il est dit au paquet, écoute, on est à peu près hier soir, eh bien on se touche la main, si on en cause plus, va bien. Eh, bon, mais surtout que le peintier aurait été le premier d'accord de cette âge. Seulement, c'est comme je vous ai dit, que c'est un vin un peu brusque. C'est justement le matin que tu la pousses à l'être en vivant. Et tu voulais prendre un de ses beaux doigts et en faire un héros, c'est un matin comme ça, tous les 9-10 heures, tu le trouveras à point. En le tenant bien en main, à petite volée, tu offres un lion. Comme ce matin-là, on va te faire un verlet. Mais que la moitié du village a pu voir le bonbon passer devant la teinte, hier comme une arche à bain, sans pisser le coton, hein? Oh, c'est sérieux qui se sont dit. Et puis à la pêche, ce pauvre capitaine, sa femme y avait préparé pour midi une bouteille soupe à la poste cueillie directement au jardin, pauvre ami. Avec ta manie d'avoir des opinions, c'est moi pour les riches d'avoir des opinions. Ou alors les casse. Et alors, d'abord, est-ce que tu serais même pas obligé de me dire la différence qu'il y a entre une agrarienne et un radical, hein? Alors, espèce d'enflante qui va nous mettre sous la paille avec ses idéologies. Ce que je sais, moi, c'est que le bonbon, c'est peut-être quand il passe du travers, mais en tout cas, il dépense 200 francs, rond par mois au café. C'est toujours pas le comité du parti qui va te les donner, ces 200 francs. Ah, comme ma maman avait raison quand elle voulait pas ce mariage, et patati, et patata. Oh, oh, ben. Au fond, il n'avait rien à redire à ses arguments, à la femme. Avez-vous remarqué cette différence entre les hommes et les femmes? Vous avez bien remarqué nous deux dans le détail, ou aimez laquelle? Non, la manière de causer. Les hommes sont plutôt portés sur le silence. Un homme qui est dans son bon sens, il ne cause pas qu'un. Et quand il se met à barjac et à pile, c'est qu'il dit des bêtises, qu'il a bu ou ben, qu'il est colère. Enfin, bref, qu'il n'a pas sa tête à lui. Tandis que les femmes, c'est juste le contraire. Elles se chassent un point et puis elles ont une de ces manières de se réveiller et de ne partir dans un discours quand elles ont raison sur toute la ligne. C'est extraordinaire. C'est pour ça que dans la discussion, on est toujours refait. Les douleurs de la stratégie, savoir choisir son terrain. Mais attendez, pour le discours, on ne leur fait pas. C'est pour ça qu'on a toujours l'air d'être des bottes. Alors que dans le sport, pour mener le char, on s'y a fait aussi bien qu'elle. En tout cas, un homme seul se débrouille toujours, tandis qu'une femme seule, elle est joliment perdue. Forcément, elle n'a plus personne à qui causer. Ah non, puisque là, c'est bel et bien la femme au pâté qu'elle garde les morts. Avec le bonbon? Oui. Une semaine se passe, personne au café que les agrariens. Le bonbon passe devant. Les amis étaient obligés d'avoir l'air d'en faire autant. Et un matin, c'est à la fin du printemps. Les votes, c'était pour le grand conseil. Vous voyez la chose. Le bonbon passait. Il faisait une raveur tiède comme des fois en avril. Salut, bonbon. Salut, Berthe. C'est la femme au paquet qui me saluait. Il ne peut pas refuser. C'est chaud. Oh là oui. Écoute, bonbonne, tu me fais pitié. Attends un moment. Il reste là, interloqué. Voilà la Berthe qui sort du café avec deux verres et trois dessins. À ta santé, bonbonne. À la tienne, Berthe. Avec ce que je te dois. Rien. C'est moi qui offre. Tu comprends, nous, on vend dans le café. Ce qui se boit devant, c'est comme cadeau. Rien de ça que fait bonbon. Va chercher trois dessins, c'est ma tournée. Ah, j'ai toujours bien le même têtu. Alors là, c'est bien une femme. C'est au moment où elles arrivent à leur fin qu'il faut toujours avoir l'air de les porter. Hein, que bref, ils boivent leur pain. Et la mère s'y fait. Écoute, bonbon. Tu as juré de ne pas revenir au café. Tu tiens parole, reste. Moi, je suis pour les hommes crânes. Si tu étais revenu, t'aurais méprisé. Bon, mais il ne faut rien exagérer. Tu vas pas te laisser avoir soif pour tout ça. La prochaine fois, tu n'as qu'à taper au bonnet, on te servira de vin, et puis comme ça, tout le monde est content. L'après-midi, elle avait trouvé moyen d'installer un bain devant la maison. 15 jours après, tout le monde revenait au café. Les agrariens de vin, et puis les radicaux dedans. Ah, voilà des hommes. Et c'est comme ça que la vie est supportable. En hiver, elle avait installé une table dans la grange, à côté du café. Et c'est comme ça que le bonbon a pu rester toute une année sans mettre les pieds dans le café, comme il avait juré. Santé, ça dit. Conservation. À votre bonne santé, monsieur. Va bien, ce bébé. C'est une improporation. On a bien causé de vous l'autre jour. Attends, avec vous. Oh, pas de vous personnellement, non. Ah. On était en assemblée, un père de syndic de commune. Ah, ouais. Oh, alors, voilà, c'est comme si j'avais été, vous n'êtes-vous d'insister. Vous avez trouvé que les instituteurs ne servent pas à grand-chose. Oh, pas de grand-chose. C'est surtout qu'ils leur ruinent la commune. Ah, tout de même. Environ. En somme, s'ils deviennent millionnaires en quelques années au détriment des paysans qui meurent de faim. Mais que vous exagérez tout. Non, c'est pas moi qui exagère, seulement dans mon métier, on a tellement l'habitude qu'on ne se fera plus. Ça me rappelle une fois quand j'étais jeune, je débutais presque dans une commune. Il y avait là un gosse de 16 ans, oh, pas méchant, non, plutôt trop gentil. De ceux qui s'en voudraient de priver les autres de leur travail. Un altruiste. Parfaitement. Mmh. Et son père me disait, voyez-vous, mon gamin, il n'est pas mauvais, mais il n'aime pas le travail. Alors il est de le forcer. On va en faire un régent. Il disait ça pour vous faire plaisir ou quoi? Ah, je pense, oui. Et qu'avez-vous répondu? Rien. Je ne fais pas vexer les gens inutilement. Non, je me suis contenté d'attendre. Et il est venu, quoi? Ce que je pensais, c'est que ce garçon a fait ses examens d'entrée à l'école normale et qu'il a brillamment échoué. Oui, son père l'avait surestimé. Il n'était même pas capable de devenir instituteur. Et alors? Rien, j'ai continué à attendre. Mais qu'est-ce qu'il est devenu, le gamin? Mais mon Dieu, il a continué à ne rien faire. Ça lui a été facilité par le fait qu'il a épousé une femme qui a un peu de bien. Oui, et puis il était beau garçon. Alors, sa femme travaille, il a aussi un commis qui travaille, il tient un commerce. Et lui, il se repose. Et j'oubliais le principal, qu'il est syndic de sa commune et député. Oui, ça le distrait. Sacre, puis deux salibours. Oh, alors là, tu l'as pas volé, syndic. Je te voyais venir avec tes rognasseries habituelles. Il t'a ça coupé en herbe, c'est magnifique. J'ai envie de commander une bouteille. Ouais, le régent, c'est un peu comme je disais des femmes. Il cause pas souvent, mais alors il choisit son moment. Ah, te fallait pas emmoder la niaise, syndic. C'est bien tendant. Comment qu'il a dit ça, Jean-Sylvain? Vous auriez fait un stade de premier ordre, Jean. C'est moi qui vous le dis. Et pour ce qui est de la sainteté, il s'y connaît, le cadre. Ben, pas toi, depuis le temps que je te regarde aller et venir. J'ai fait une masse d'observation sur la vertu. Ah, tu n'as pas pu tout voir, tu sais, parce que le plus angoissant, c'est la vertu rentrée. Ça doit être ça qui nous fait bourrin en plein certain âge, ne croyez-vous pas? Je m'étonne quand même pour en revenir à cette manie qu'on a de vouloir tout croire qu'on travaille toute une maison. C'est un amour propre bien naturel. Amour propre? Oui. Si on aimait le travail, je dis pas. Non, on l'aime pas tant. On nous l'a en tout cas toujours eu présenté comme une punition. Pardi, alors cette rage qu'on a de croire que les autres ne font rien, c'est un peu comme si on se vantait d'avoir fait 10 ans de bolchus depuis que ses copains, il n'y a pas de quoi. À propos de vanter, là, c'est un notaire qui m'a raconté une bien bonne. Dans sa commune, il y a un gaillard qui a joliment de sous, et puis en plus, ça le gênerait qu'on ne le sache pas. Ouais, il aime assez secouer son sac sous le nez des pauvres. Vous savez qu'un jour, le notaire le voit entrer dans son étude, flanqué de deux gaillards qu'il connaissait aussi. Il y avait un paysan de l'endroit, puis le laitier, un bernois, tout ce qu'il y a d'authentique, qui n'a pas encore perdu le pli de la bouche, là, ouais. Enfin, vous voyez l'homme, pas un puissant colosse avec des jambes jusque sous les yeux. Ça fait que le notaire, pour leur faire plaisir, les regarde entrer, puis leur dit, « Ma fille, vous êtes encore joliment impressionnant. Je suis obligé de vous taxer entre les trois pour un demi-million au moins. » Alors, le riche le regarde et fait, « Un demi-million ? » Alors, les deux autres ne doivent pas posséder grande monnaie. La modestie, même en cas d'épidémie, on n'a pas besoin de prendre des pastilles quand. Voilà mes trois gaillards qui s'esclaffent tant qu'ils peuvent. Bon. Et le notaire croyait que c'était fini. Mais voilà. Une semaine plus tard, il se croque contre le laitier en question, qu'il arrête, l'arrête là, et qu'il est fait. Et toi, monsieur le notaire, la réponse qu'il a fait l'autre jour dans votre bureau, il n'avait pas compris tout de suite. Mais c'était une fameuse réponse. Ah ben, il suffit de prendre son temps. Et comme de juste, c'était lui qui avait ri le plus fort. Exactement. C'est que lui, quand il rit, ça se connaît. On dirait un canard qui s'exerce devant le micro. Eh ben, ça doit être bien pratique, cette méthode de mettre en temps tout ce qu'on entend pour s'appuyer à la maison à tête reposée. Et rire quand on a compris. Ben, comme ça, il n'y a pas de gaspillage. Pour en revenir à ce que tu disais du travail des autres, j'aime encore autant ceux qui ne s'occupent pas de nous que ceux qui se croient obligés de venir compatir avec vous les mains dans les poches quand on fait un gros ouvrage, avec des airs bénins. Ah, oh, ça peut être gassant, monter. Oui, surtout s'ils se mettent à donner des conseils. Ah, moi, j'ai toujours envie de répondre comme le grand Canu. Un jour qu'il était en train de creuser une fosse à Purin, celle qu'il a maintenant, quoi. Vous connaissez, lui, tout ce qu'il peut faire même, pas question de faire venir un maître d'état. Ça fait que, bon, il était au fond de son trou, tout transpirant. En levant la tête, il ne rêve que le ciel et le soleil qui tapaient contre. Et voilà que passe le ministre. Il ruminait son serment, puis il avait un mot gentil pour tout un chacun. Ça fait qu'il regarde dans le trou, voit le grand Canu, puis il lui fait « Alors, mon ami, vous êtes bien là, au fond ?» Bon, qui répond le Canu avec son air calme, ça va, ça va. Comprenez, de temps en temps, il passe un nuage, alors ça me distrait. Et à propos de nuages, il me semble se confirmer bel et bien qu'on est en train de faire de la pluie à volonté. Oui, on dit. Ah, mais ils auraient même réussi à naître dans le cap de Berbe, travers Langenthal. Ah, tu sais... Oh, c'était dans le journal. Oui, mais dans le canton de Berne, c'était probablement un nuage de l'année passée qui avait un peu traîné. Ah, toujours le même sceptique. Pas la moitié assez. Et tu vois, Réja, vous ne trouvez pas qu'il y a déjà suffisamment de niaise comme ça par le monde sans qu'on commence encore à se voler les nuages? Oui, bien sûr, mais il n'y a pas ça. Au point de vue scientifique, c'est fantastique. En tout cas, les météorologues se passionnent autour du problème. C'est entendu, on les comprend. Le jour où ils arriveraient à faire la pluie à volonté, ils auraient quand même plus de chances de tomber juste dans leur prévision du temps. Même pas! Pour peu que ça ne soit pas le même bureau qui fasse la pluie et les prévisions. À moi la peur s'ils ne travaillent pas chacun de son côté. Il y a ça, c'est vrai. Et puis voyez-vous, Richard, je suis peut-être un peu bobé, mais je me dis que la pluie, quand il y en a, ben, elle finit toujours par tomber un jour ou l'autre. Oui, mais ça dépend où? Justement, ça dépend où. Alors on a meilleur de laisser faire le hasard. Oui, mon ami, parce que le jour où ça sera réglementé par le Polytechnicum et toute la bande, je vois très bien ce que ça donnera. Il faudra que le canton de Zurich soit joliment détrempé avant qu'on se décide à en donner une giclée dans nos coins. Et puis sans compter le barnum que ça ferait, surtout au temps d'élection, je les vois déjà tous ces députés qui arriveraient, statistiques à l'appui, prouver que leur canton a eu moins d'averses que l'autre. Sur le plan international, hein, le danger majeur, c'est que pour faire l'appui, il faut des avions. Alors imaginez voir un de ces gros pays, comme il y en a par-ci, par-là, et puis une année de sec. C'est la guerre de la pluie, mes amis. C'est celui qui a le plus d'avions qui tire toute la pluie pour lui, et puis c'est bon. Vous êtes tout de même un peu pessimiste. Ouais, on exagère, c'est certain. Il faut rester dans le raisonnable. Moi, je me dis tout uniment que j'aime mieux avoir de la pluie fournie par le ciel, même si elle vient avec des à-coups, que des averses fédérales provoquées par des spécialistes. Parce que ces averses-là, mes amis, je peux vous garantir d'avance qu'elles nous coûteront dans les 5 francs le litre. Oh, allons là, rien à repiper. Pas vrai, ça, j'avoue que c'est un point de vue auquel je n'avais pas pensé. Ouais, il vous faudra repasser votre histoire suisse, Réja. Vous commencez à avoir des trous. Oh, puis du reste, rien de nouveau. La pluie et le beau temps, il y a longtemps que c'est moi qui le fais à la maison. Toi, Lola, alors tu aurais dit ma femme, on comprendrait, mais toi... Parfaitement, moi... Par exemple, ce soir, j'ai promis à la femme de ne pas pédiser, parce qu'il faut que je vienne à fourrager par le galetas. Il suffirait que je tarde de quelques minutes pour provoquer une belle carte avec des grès longs comme le poing. Ah ben, tu vois bien que c'est moi qui commande. Pensez. C'est conservation. Et dans 15 jours, à la même heure. Thank you. syndic, ouais. Salut, syndic. Tu es moins fendant que samedi dernier. Samedi dernier? Ah, ça oui, quand je vous ai vu passer le matin, j'ai eu envie de vous courir après. Ami donné comme vous étiez, m'auriez sûrement fait un mot historique. Ah, ouais, parce que selon vous, les mots historiques, c'est comme les œufs de poule, ça s'annonce. Parfaitement. Il y faut un certain décorum. Entre nous aussi, vous écoutez parfois la radio. Si un monsieur quelconque venait au micro faire des déclarations aussi dénuées de signification que n'importe quel gros bonnet du cinéma, du théâtre ou de la politique, on se payerait sa tête. Oh, c'est le train du monde. C'est comme à l'école. J'imagine que quand les gamins essayent de faire des mots historiques, ben ils ont affaire à vous, hein. Ah, ça oui. Et si jamais l'un d'eux m'affirmait qu'il n'y a plus de Pyrénées, ça n'améliorerait pas sa moyenne de géographie. Ouais, ouais, mais ne biaise pas, syndic. Nous, on est restés sur notre gourmandise. On t'a vu partir samedi matin, tout luisant, tu sais, comme le nègre des boîtes de tirage. On veut savoir la suite. Comment ça s'est-il passé, cette indépendance vaudoise? Ouais. Eh ben, c'était très réussi. C'était intéressant? Oh, intéressant. Ça n'a pas à être intéressant, ces choses-là. Il y avait de l'enthousiasme. Ouais, ouais, ça c'est le caviste craché. Il y avait de l'enthousiasme. Tu es resté un vrai gamin, toi. Imagine d'avoir le conseil d'État, les préfets, les députés, un redingue, et puis huit reflets. Puis mets de l'enthousiasme parmi. Est-ce que tu te rends compte de la salade que ça donnerait, quoi? Hein? Ils te paumeraient l'orgibus et te les lanceraient aux gamins comme des caramels de noces. Ça vous dévoudoyerait le carton, ni plus ni moins. Non, non, l'enthousiasme, ça n'est pas une dareille pour des gens qui ont du froid dans leurs bottes. Comme on dit, on ne peut pas pleurer ni mener la luge. Une fête, ça doit d'abord être bien organisé, à l'ordonnance, impeccable. Il faut que les gendarmes soient bien rangs, là, que les discours se suivent sans bavure et puis qu'on tienne l'horaire. Et ça y était? Oh, en première. Un moment, il y a eu quand les cloches sonnaient, que les gendarmes étaient au fixe et tout, là, j'ai eu une larme, oui. Oui, j'avais à côté de moi le Brodzor, le député d'à côté. Ben, j'étais tellement ému que je n'ai pas pu m'empêcher de lui dire. En tout cas, c'était un bien brave homme. Qui ça qui m'a fait tout étonner? Et c'est là que je me suis aperçu que c'était si bien réussi que moi, je me croyais à un enterrement officiel. Ah, chère, pour une belle fête, comme disait la petite Josette, c'était une belle fête. Ah ben comme ça, ça n'a pas risqué de dégénérer en plaisir. Pas mèche, non. Oh, au fond, les peuples, c'est comme les hommes. Les hommes, tu en as qui ont la chic pleureuse. Tiens, regarde voir le Thatch. Au troisième demi, il commence à nous raconter la maladie de sa femme. Au cinquième, on ne peut plus le revoir. Il pleure comme un veau. Eh bien, le canton de veau, c'est un peu du même. On a la fête lugubre. Ah, la fête lugubre et le plaisir rentré. Et c'est de l'hygiène, Métavis. Comme ça, on n'a pas envie de continuer, ouais, non? Mais moi, le samedi tantôt, je me disais... Dire que mes domestiques sont en forêt par une cramine de tous les diables, dans le mouillon et tout. Oh, ils se rendent pas compte de la chance qu'ils ont. J'ai grommillé tous les dimanches tellement ça me brûlait de me mettre à travailler pour me ravoir. Et le malheur, c'est qu'il y a toujours des gaillards pour jeter une note de comique dans les circonstances les plus douloureuses. Vous avez su ce qu'ils ont jonglé par prudence? Non, quoi non? Ils ont fait une fête pour eux, tout seuls. Ça est parti de la municipalité. Tu te rappelles la circulaire du département de l'Intérieur pour donner le programme de la manifestation? C'était mis, messieurs les préfets, les députés seront en jaquette et huit reflets. Les syndics seront enfoncés. Enfoncés, les syndics? En habit foncé. Ah! En habit du dimanche, quoi. Ah! Seulement à Bredens, il y a deux ou trois comiques dans la municipalité qui ont vu là une belle occasion de s'amuser un moment. De manière qu'ils ont carrément imité cette circulaire pour en refaire une seconde. Adressé soi-disant à tous les syndics, mais en réalité, bien sûr, ils ne l'ont envoyé qu'aux leurs. Bien sûr. Oh, tout simple. Alors c'était mis, en complément de notre circulaire d'avant-guerre, nous vous informons que pour rehausser l'éclat de la cérémonie, nous avons décidé que les syndics seraient eux aussi en huit reflets. Oui, attendez, attendez, ça continuait. Comme nous savons que tous les syndics ne possèdent pas ce couvre-chef et qu'on a un revenant bon sur le crédit voté par le Grand Conseil, nous vous faisons un plaisir de vous adresser 6 juin un tube à l'ordonnance. dont vous pourrez par la suite disposer selon vos convenances. Et puis c'était mis en post-scriptum que si le tour de tête ne bichait pas complètement, ça pouvait toujours s'arranger avec les boules de papier. Ah, race de gaillard, là. Et ils ont ça envoyé à leur propre syndic. Oui, le pire, c'est que le jour où le paquet est arrivé, le syndic était dehors. Ça fait que quand il reste, il trouve son gamin devant l'armoire à glace, avec le huit reflets qui tombe jusqu'aux épaules, et puis la maman qui dit, « Dis donc, Marc, il t'en fait une farce. Où ça peut-il venir, ce tube ?» Seulement, il y avait la lettre, le syndic l'a lu. « Une farce ?» C'est le conseil d'État qui me s'envoie. Oh, alors là, changement de décor. Le gamin se met au garde à vous, la maman rattrape ce tube et commence à l'astiquer avec le respect qui se doit. Tout juste si le gamin n'a pas reçu une fessée pour avoir manqué de considération à l'endroit de cette décoration gouvernementale. Et puis, en municipalité, le syndic a lu cette circulaire devant les autres gaillards qui faisaient le poing sous la table pour pas éclater. Et puis la discussion. Comment est-ce que je vais traîner sous couvercle? Je peux pas me royaumer pas le village et pas l'os en avait ça. J'aurais l'air d'un ramoneur en dimanche. Mets-le dans un panier. Tu te couvres avec une serviette. On croira que c'est toi qui fournis les bruxelets. Enfin que bref, ça dit que tu as beau eu l'air de te gonfler d'avoir un samedi matin. Tu n'étais pas moitié aussi admiré que le syndic de Vaudens quand il allait à la gare avec son tube dans son cornet. Tout le village était sur le pont. Et puis des acclamations. Tiens-toi bien, syndic, tu as l'honneur de la commune dans ton cornet. Tu rapporteras des drops pour le petit, il y a assez de place dans le pont. Ah, ils n'ont pourtant pas été assez grouilles pour le laisser partir avec son tube. Ouais, non, ils ne voulaient bien sûr pas lui faire apprendre devant le monde. Ils ne lui ont repris à la gare avant que le train arrive pour que personne ne le voie. Ça n'empêche que ça a été un franc succès. Même si un jour le village a un couronné fédéral de gym qui revient de la fête, je vous garantis qu'il n'y aura pas autant de monde à la gare. Eh ben, ça prouve bel et bien que le Conseil d'État a raison de prendre toutes les mesures dans le sens de la dignité. Avec le caractère qu'a le monde par chez nous, si on n'y faisait pas attention, ben, vous en auriez tout de suite qui confondrait un jour de fête avec une partie de plaisir. Ah, c'est au fond assez curieux, cette discrétion qu'on se croit obligé d'avoir dans ces sortes de choses chez nous. On n'a pas le sens de ces belles parades comme ils ont en Angleterre, enfin, ou ailleurs. Mais comme oui. Seulement le hic, c'est qu'on est blasé. Ah, exemple? Un exemple? Oui. Eh ben, tenez, rappelez-vous ces Écossais qui avaient passé par Lausanne avec leur musique à bouche, là, leur jupette pis tout. Ben, tout le monde s'écrasait parmi pour les voir passer. C'était joli comme tout, il paraît. Pour nous! Mais je vous en garantis qu'en Écosse, le monde ne prend même pas la peine de tourner la tête pour les avoir passés. Par contre, supposition qu'une fois pour une fête quelconque, le grand conseil vaudois, là, en grande tenue, là, roclore, tube et tout, aille se balader dans les rues d'une de leurs villes, par là-bas en Écosse. Mais il aurait un succès pour... Oh, c'est trop bien, après tout, déjà, en étant drôle de goût, madame. Mais dis donc, c'est aussi beau qu'autre chose, hein? Quand tout le monde... Tenez, te rappelles-tu, Cabiste, quand il y avait eu ce coup de vent fameux là, qui avait arraché le toit du mécanique? Oh, ben, si je m'en rappelle, on avait vu ce toit partir comme un journal posé sur le bord du jardin. Ah, oui, c'était saisissant. Eh bien, l'autre jour, quand le grand conseil tout entier a enlevé ses tubes d'un coup, ça a fait le même effet. Et on aurait dit que le canton était décapité. Il avait des cloches par là-dessus. Ah. Mais les Écossais viendraient pour rien qu'à s'en regarder. Oui, tandis que les Lausannois... Les Lausannois, ah ben, ils regardaient même pas. Là, c'était injuste, mais c'est comme ça. On fait des effets de première, et puis ça passe inaperçu. Ça décourage les artistes. Mmh. Oh, mais ne t'inquiète quand même pas. Il y a sûrement par Lausanne deux, trois dames à qui tu as fait de l'effet, tu sais, et qui pensent à toi avant de s'endormir. Oh, en crois-tu? Oui, un collègue qui était à Lausanne samedi m'a dit, fallait voir cette ville. Elle était sur le ballon. Il aurait suffi d'un rien pour mettre le feu aux poudres et déclencher un de ses enthousiasmes, mais comme on n'en a jamais vu. Simplement quand des huissiers se soient mis à jongler en tête du cortège, avec deux, trois bouteilles de blanc, comme un tambour-major, et ce grand conseil était emporté comme un fétu par la ferveur populaire. Un gaillard planté comme toi, mais tu aurais eu des grappes de femmes à te cramponner, comme jamais un général américain n'a pu s'offrir dans les plus beaux temps. Santé, ça y est. Consommation, monsieur. Ah, votre bonne santé, monsieur. Ça n'empêche que j'en reviens à mon idée. Mais profitez, Reza, profitez. Quand il en vient une, il ne faut pas les poirer. Justement. Et je me demande pourquoi nous autres, tant que nous sommes, faisons toujours chemin et manière pour n'avoir pas l'air de ce que nous sommes. Eh bien, non. Alors, ça ne vous frappe pas? C'est votre étonnement qui me frappe, à moins que vous ne soyez pas fait comme les autres. Voyons, Reza, si on se montrait comment on aimait, ça ne serait pas vivable. Prenons un cas où on n'est plus dans le jeu. Nous, on est du rebut, nous trois. Chacun a ses plaisirs. Mais mettez un jeu bien planté, avec du sang qui coule normalement parmi, et placez-le devant une belle gaillarde, la fille au tienne, tiens. Une qui a toutes les apparences de la vertu et bien équilibrée. Supposez voir qu'une minute le jeune garçon se laisse aller, oublie de fouiller, et ils disent droit à voir ce qu'il est en train de se passer tout au fond, hein? Eh ben, ça ferait du propre. Ouais, mais c'est bien approchant comme ça que se font les mariages. Ouais, mais on peut pas se marier tous les jours. Eh ben, c'est comme ça de tout, quoi. Je crois pas que ce soit spécial au Vaudois, ça, ouais. Ah, bien sûr que non. Mais je pense aux petites choses, moi. Oui, cette hypocrisie qu'on a dans les petits gestes. Aller au café, par exemple. Vous n'avez jamais vu un homme qui aille au café pour son plaisir? Mais c'est parce qu'il a une commission à faire, parce qu'un ami l'a entraîné, pour ne pas se faire remarquer. Mais après, l'essentiel, c'est qu'il y aille quand même, joliment. Mais enfin, est-ce honteux d'aller au café? Non. Ah, mais c'est agréable. Alors, à partir d'un certain âge, l'homme intelligent a compris que ce qui est agréable, c'est toujours un cheveu d'être défendu. Pardieu. Ça fait qu'il ne le fait qu'avec prudence. Et puis, puisque vous parlez de café, on reconnaît tout de suite les novices. Vous en avez qui arrivent, qui ôtent leur chapeau et tout, qui s'installent bien confortablement, comme s'ils étaient là pour le restant de leur jour. Ils ont beau ne prendre qu'un café crème, ils ont l'air de jouisseurs. Et c'est mal porté d'être jouisseur. Tandis que l'habitué, lui, il s'abaisse sur un tabouret, assis sur la moitié d'une fesse, on n'a qu'à la regarder pour comprendre qu'il ne fait qu'un très sorti. Ouais. Il ne l'empêche pas de rester 2 heures. Eh, mais bien sûr que non. Mais ça sauve la face. Comprenez-je, ce qu'on est au fond de soi-même, eh bien, ça ne regarde personne. C'est affaire entre moi et mon amour à glace. Mais ce qu'on a l'air d'être, alors ça, ça regarde les autres. Vous avez au village au moins 15 personnes qui ne s'occupent que de ça. Il ne faut pas leur donner la partie trop facile. Hypocrisie, hypocrisie, c'est vite dit. C'est du savoir-vivre, tout au plus. Et puis, un peu d'adresse. Te rappelles-tu le gamin au gros bocard? Ou un couillamin, ça n'y a pas réussi. Il les a toutes faites. Bref, quelqu'un pour se faire de l'argent mignon pour épater les filles du district, il n'avait rien trouvé de mieux que vendre à son compte des sacs de blé à son père. Ces sacs étaient rangés au grenier, là, tout en haut, et on y allait avec une échelle de bois. Ben, lui, quand il sortait un sac, il descendait toujours les escaliers à reculons. De la manière, si son père venait à arriver, le gamin n'avait qu'à se ramoder contre en haut, ni vu ni connu. Qu'est-ce que tu vous dis, Mache, avec ce sac? Le portait au grenier, il traînait par la grève. Il y a un peu de ça dans l'histoire au Carmine. Ah oui, sauf que dans le cas que je te dis, il n'y avait pas de malhonnête. Bon, entre le malhonnête et l'honnête, tu sais. C'est comme dans des champs qu'on connaît des fois. Il y a comme la rude de peine à retrouver la borne. Écoute, ça indique quand même, tu m'épouvantes avec tes raisonnements. On dirait que tu as perdu la notion du bien et du mal. Ce n'est pourtant pas les feuilles de vigne qui te manquent ou quoi? Ah, bien sûr, mais je me dis que tout ça, c'est joliment relatif par rapport à l'âge de l'individu, à ses moyens. Voyons, Réjean, oui. Supposez un gamin qui demande à sa maman l'argent pour la course d'école. Puis il va pas à la course, mais il garde l'argent pour s'acheter des sucettes et des brisures. N'avez-vous pas idée que ses parents y donneraient une puissante rosée? Ah, il y a des chances, oui. Voilà, voilà. Eh bien, moi, en somme, je me conduis comme un fin coquin. Pour ça. Et quand je vais au Grand Conseil... Mais non, pas pour me ça. Ce que je veux dire, c'est que c'est souvent le Brutzel, le député de Bourgnol, qui me prend dans son auto en décembre. Oui, et puis alors? Alors, ben, ça ne m'empêche pas de me faire rembourser par l'État le prix de la course. Ben, évidemment. Évidemment, évidemment, évidemment. Je ne vois pas la différence avec le gamin et puis la course d'école. Oh, notez bien, quand ce n'est pas ça qui va m'enrichir et que ça ne m'a jamais empêché de dormir. Non, vous raffinez sur l'honnêteté, ça. Oui, oui, vous ne croyez pas si bien dire. Je raffine. Dans le sens que je me repeins, mais que je faute quand même. C'est à la fois pour moi ma conscience et l'indemnité de déplacement. C'est double boni. La vertu, c'est une bonne marchandise à placer. Personne n'est contre, mais il ne faut pas trop faire les malins. Et comme ces municipaux qu'on a vu l'autre jour au tribunal, qui forçaient un peu sur la fendre. Oui, alors, quand même, quand même. Mais je sais bien, c'est une question de mesure. Ils ont surévalué leur commune. Mais voyons, l'usage est d'un picoteur, c'est la mise, bon, mais pas trop. Mais pour toi, l'honnêteté, c'est une pendue, trois décis, hein, Kirsch? Au-delà, c'est de la coquinerie. Oui. Ça se soutient, note. Seulement, je me dis que pour le jugement dernier, il va leur falloir des balances rudes, précises, des barèmes à n'en plus finir. Hein? Essayez voir de vous représenter. Vous étiez syndic? Oui. Une grande commune? 400 habitants. Bénéficiez? Non, s'arrangeait qu'il y en ait pour modérer les goûts du régime. Mais ça n'allait pas mal. Voyons voir, vous avez mangé deux fondus par an, ça va juste. Mais si on avait eu une troisième, votre compte était bon. Au suivant. Bonjour, monsieur, qu'est-ce que vous faisiez? Eh bien, j'étais de la commission de gestion du Grand Conseil. Ah, déficit? Oh, à peine dans les 3-4 millions des bricoles. Ouais. Voyons, je vois là une facture. Deux jours de séance, quatre repas. Vous aimez les hors d'œuvre? Oui, monsieur le juge. Pas moi, il ne passe pas. Enfin, question de goût. Trois bouteilles, une auto, quatre quiches, pain, fromage à 3 heures. Oui, vous avez été bien raisonnable. Enfin, est-ce que oui ou est-ce que non? Ah ben, vu comme ça, bien sûr que... Mais c'est comme ça, c'est comme ça. J'en étais de la commission, je sais de quoi il retourne. Notez bien qu'il y a aussi le travail, hein? Je me rappelle, là, on était allé visiter les salines de baie. Dans le cas qu'il y ait eu une machine qui ne marchait pas et qui ne s'en soit pas aperçue, ça leur aurait rendu service qu'on attire leur attention. Oui, mais je compte sérieusement. Un qui est tout le temps dans la manique, là, ben, il risque de ne plus voir les défauts. Tandis que nous, du premier coup, on te leur aurait remis ça de pointe. Et alors, veux-tu en venir? Ah, rien du tout. Sauf que c'est mon grand-père qui avait raison. On se moquait pour tenter de lui quand il disait... La sagesse, c'est d'être modéré dans ses excès. Ouais. Et ce qui tue le monde, c'est que les gens exagèrent trop. Ah ben, ouais, tu me rappelles la morale de ce soldat qu'on nous racontait au service. Il était de garde de nuit et puis devait faire des patrouilles par le village où se tenait le bataillon. Enfin bref, son capitaine y fait. Alors mon ami, si tu rencontres en dehors des heures un soldat qui rôde par le village, que fais-tu? Le rentre d'autorité, mon capitaine. Parfait. Et si tu atteins en passant devant un café des soulons qui font la chèque à des heures pas raisonnables, que fais-tu? Oh, alors là, mon capitaine, je prends la première rue à droite et puis je pars en courant. Ah ouais? Et pourquoi? Oh, parce que je me fais. Dans ces soulons, à moi la peur, s'il n'y a pas un père d'officier, ça suffirait que j'ai des meules jusqu'à la fin de la mort. Eh ben voilà. Ça n'empêche que je viens de faire une découverte. Ah, et laquelle? Il y a de ces phrases qu'on dit toute sa vie, savoir ce qu'elles ont dans le creux. Comme celle-là, par exemple. La prudence, c'est la mère des vertus. Mais moi, j'ai toujours eu cru que ça voulait dire que c'est une des principales vertus. Eh, mais moi aussi, alors. Eh ben, c'est pas vrai. La mère, ça veut dire que c'est elle qui l'est fait. Et que donc, sans prudence, il n'y aurait pas de vertu. Le pire, c'est que ça pourrait être vrai. Eh, en sorte qu'en bonne logique, vous nous devriez une tournée. On vous a bel et bien donné un joli sujet de composition. Oui, mais voilà. C'est comme de tout. Si les gamins disaient la moitié de ce qui vous est permis, ça tournerait mal pour eux. Et voyez-vous, en voyez-vous un qui donne l'exemple du syndic et de ses jetons? Oui. Alors, santé syndic. Et conservation. Et dans 15 jours, à la même heure. Thank you.